ils avaient lâché le fumier. Après la guerre de 14-18, lâché les vaches et les champs de blé, les patrons de ferme et toute la suite. En ce temps-là, les hauts fourneaux, ça ronflait fort le jour, la nuit. Mais quand les gars quittaient le boulot, ils étaient libres, c'était fini. Mémé, les murs de briques, le grand portail, l'acier, la fonte et le charbon, les cheminées, les fours, les rails, les étincelles sous les wagons. Ça valait mieux que vivre comme des rats, à patauger dans la bouillasse. Au moins on dormait bien là-bas, dans de vrais lits, pas des paillasses. Mais, dans les cités des hauts fourneaux, les maisons étaient toutes pareilles. Il y avait tout sauf un bistrot, libre et égaux sous le soleil. Bleu dans la semaine, blanc le dimanche, ils étaient rouges jusqu'au trognon. Le temps des cerises mûres sur les branches, c'était devenu plus qu'une chanson. Mémé, ce fut 36 et la sécu, et les premiers congés payés. En moins de 3 ans, ils avaient pu se payer leur belle salle à manger. Ma mère est née dans ce paradis, sa belle jeunesse dans les cités, des hauts fourneaux grands que Quevilly, et puis la guerre est arrivée. Mémé, le plus grand voyage qu'ils ont dû faire, en moins d'un mois, c'est Rouen, Laval. C'était l'exode, la drôle de guerre. 600 bornes à pied, c'est pas mal. Joseph est mort tout près des quais, en 44 dans un abri, dans un bombardement anglais. Une bombe alliée mais pas amie. Mémé, alors Mathilde, ma bonne mémé, tu as dû chercher du boulot. Tous les matins, elle descendait vers les fumées des hauts fourneaux. Et puis ça doit passer le temps, et la mémé, elle a vieilli. Ils ont grandi, les petits enfants, entre les roses et les soucis. Mémé, les hauts fourneaux se sont éteints, et les cheminées sont écroulées. La vie, c'est une vraie peau de chagrin, quand on oublie de la retourner. Et un beau jour, t'es reparti au pays des monts et merveilles, avec tes sabots, ta faucille, moissonner des champs de soleil.